Félix, yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. C'est que sans le putain de beat faut pas se planter. Trop de poèmes si faux, paroles t'encrasse des disques carrés. Facilite ta collection de peur à recycler tes cassettes. Orange mes sons, mes textes Félix en live and direct. Je reconnais là, un style qui tue une fois de plus. C'est bon cette fois, laisse tourner le son, ma puce, chier les douza. Les poèmes si vont pas avec Marie, ma tête cherche. Je sors de prime dans le rap, y'a oublié tes faces crâneuses. 4 ans de rap, une tête qui frappe tes gorges, plante comme un chlasse. La chute s'amorce pour ceux qui se croyaient à la force du hip hop. Peuvent se ranger, une nouveauté dans les bacs, laquelle se dégage de danger. Pourtant, j'ai prévenu tout le monde de mon arrivée. Mais j'avais comme sous-estimé, donc j'ai dû rebosser. Et maintenant, descendis, tandis que j'ai posé, je ferai plus de peau, je possède une force de frappe comme Franck Sosé. Yeah, New generation, again, more, j'ai plus à temps à perdre, mon style germe, je gerbe. À force d'entendre les incapables poser des verbes, prêcher une mauvaise style, ouais, le mauvais rap en série. Ça c'est dire yo, et ça se prend déjà pour MC. Même si, même si tu kiffes la musique salie, respecte, t'appelles pas ça du rap, tu sais pas ce que tu dis. Mec pour 9-9, ouais, je vais corriger le tir. Avec Félix Production, hé, hey, je vois que tu transpires. Sauf que tu bouges, arrête l'hémorragie du faux. Il faut que ça cesse, faut que tu comprennes à la une des infos. Je perds du temps, je débarque avec un nouveau médicament. Je peux mater, apprécier, en plus tu sais que ça s'entend. En famille, entre potes et même en soirée, Félix te fournit du son entièrement contre tape assuré. Et même j'apporte jusqu'à ta porte du bon son à consommer dans ta radio. Je viens foutre le box son. New generation, again, more, love, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more